Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, qui s'intitule « Mal de dos ». Comme beaucoup d'entre vous, j'ai reçu un papier de la CPAM intitulé « Amélie et vous », qui parle du mal de dos. Alors je vais quand même vous donner un peu de lecture de cet article donc de « Amélie et vous » de l'assurance maladie. Il s'agit de santé et prévention. Pour que le mal de dos s'arrête, mieux vaut ne pas s'arrêter. En 2017, 7 personnes sur 10, 68%, estimaient que le meilleur remède contre la lombalgie, nom scientifique du mal de dos, était le repos. Après la campagne de sensibilisation de l'assurance maladie, mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement, lancée en 2017, elles sont moins de 5 sur 10, 45%, à le penser encore. La lutte contre les fausses croyances et les mauvais réflexes en cas de mal de dos se produit donc. Car contrairement aux idées reçues, les activités de la vie quotidienne, y compris professionnelles, sont bénéfiques pour le dos. Amener ses enfants à l'école, rencontrer ses clients, s'occuper de sa famille ou de sa maison, poursuivre une activité physique habituelle, sport, marche, jardinage, faire ses courses, aller travailler au bureau, dans un commerce, sur un chantier. Maintenir ses activités, une solution peu à peu reconnue. Selon une étude BVA pour l'assurance maladie, en cas de mal de dos, 61% des personnes interrogées pensent qu'il faut continuer ses activités quotidiennes et 58% continuent le travail pour que le mal de dos passe plus vite. En revanche, 44% déclarent arrêter leur activité quotidienne et 27% le travail. Le maintien de l'activité est perçu de façon inégale selon l'activité. Pour plus de 70% des répondants, il est facile de pratiquer une activité de loisir, d'amener ses enfants à l'école ou de travailler dans un bureau. Mais moins de 40% estime qu'il est facile de poursuivre une activité physique ou travailler dans le commerce. Je pense que là, c'est un petit aparté, on enfonce des portes ouvertes. Le véritable ennemi, poursuit cet article, du dos, c'est le repos. Le mal de dos peut être douloureux. Pourtant, maintenir une activité, c'est permettre d'éviter que le mal de dos ne s'installe durablement et ou ne revienne. Les personnes qui en souffrent sont encouragées à continuer à vivre normalement et à garder à l'esprit une idée toute simple. Pour que le mal de dos s'arrête, mieux vaut ne pas s'arrêter. Donc, pour poursuivre, une parole d'expert, bien sûr, que nous assène l'assurance maladie. Que faire lorsqu'on a mal au dos? C'est du docteur Paul Frappe, président du Collège de la médecine générale. Il n'y a pas à s'inquiéter lorsqu'on a mal au dos, que lorsqu'un mal de dos survient. Il n'y a pas à se ruer sur l'armoire de pharmacie familiale et arrêter toutes les activités. Au contraire, le maintien des activités du quotidien et si possible de ses activités professionnelles peut être vu comme un médicament par entière. Il participe à renforcer le dos et à diminuer l'intensité et la durée de ses douleurs. Voilà, alors, tout un morceau d'anthologie, j'allais dire, par rapport à cette lettre de l'assurance maladie. Alors, que dire? Que dire, parce que, bon, j'ai trouvé cet article particulièrement tendancieux, particulièrement contestable. Et encore, ces statistiques, dans un domaine où l'apparition de la douleur et son intensité est fonction de facteurs multiples, et de circonstances très variables. En effet, qu'y a-t-il de commun entre le sujet victime d'un lumbago d'effort, celui courbaturé par des postures ou des exercices qui sollicitent le dos, et pourquoi pas lors de débats amoureux, me direz-vous? Tout est question d'intensité et de charge de travail. Il n'y a pas de commune mesure entre le port de charges lourdes, les postures vicieuses prolongées, pas celle à laquelle vous pouvez penser, et les simples courbatures. Pour ces dernières, il est évident que la poursuite d'activité peut être conseillée, voire bénéfique. Pour les lombalgies plus sévères, continuer à torturer son dos est une bêtise incommensurable. Il paraît tout aussi évident que les donneurs de leçons d'assurance maladie n'ont jamais connu le lumbago qui bloque le dos et fait souffrir à tel point que l'on ne peut enfiler ses chaussettes, au petit matin bien entendu, la sciatique ou la cruralgie qui peut faire crier de douleur les plus endurcis, sur quoi ces chantres de l'assurance maladie bouger avec l'assurance maladie serait moins enthousiaste pour proclamer mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Et pourquoi pas l'usure des disques vertébraux pendant qu'ils y sont. Que dire encore? Les statistiques développées dans l'article que j'évoque ne veulent pas dire grand-chose, sinon qu'elles ne sont que le reflet d'une opinion qui reste tributaire de l'état de santé de sa colonne vertébrale à un moment donné, et des traitements, l'absence de traitement, ou l'absence de traitement que l'on peut se voir prescrire. Les âmes bien-pensantes de l'assurance maladie interprètent les situations, non par rapport aux situations de souffrance vécues, mais en fonction des économies pour la sécu assurance maladie. Rien sur la prévention, rien sur la responsabilité des entreprises avec des conditions de travail éreintantes, aggravées par un stress permanent. Non, il vaut mieux démontrer que le travail, c'est la santé, et le repos n'est pas la panacée puisqu'il coûte cher. Pas seulement l'assurance maladie. Mais les travailleurs n'en ont-ils pas plein le dos d'être considérés comme des bêtes de somme ou des feignants selon leur situation? Et encore une fois, pourquoi l'assurance maladie ne part-elle peu ou prou des conditions de travail qui cassent le dos, même des plus jeunes? Est-ce devenu un sujet tabou? Dans notre civilisation productiviste, rien ne doit entraver le cumul de richesses, qui profite surtout à une élite dans une société de plus en plus inégalitaire. À qui profite le mal de dos? Mal du siècle, dit-on. Mal de civilisation, surtout. Mal de vivre. Alimentation déséquilibrée, travail décalé, nuit, week-end, travail en miettes. N'est-il pas le temps de se poser les vrais problèmes, n'en déplaise à l'assurance maladie, dont un rôle essentiel devrait être la prévention et être à l'écoute des souffrances au travail? Là, j'ai vraiment été déçu. J'ai été administrateur d'une caisse primaire autrefois. J'étais vraiment déçu par ce type d'article qui traite vraiment légèrement ce problème du mal de dos. Et puis, en général aussi, du tableau 57 des maladies professionnelles et des lombalgies, hein, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques et des lombalgies. Je crois que ce problème méritait beaucoup mieux qu'un article comme ça, puis qu'on se penche véritablement sur les conditions de travail. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, jeudi prochain, si tout va bien.